الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous sommes toujours dans ce kitab de l'Azkar من هدي العشرينات le chapitre des Azkar. On a déjà pris les Azkar avant de dormir. Les Azkar en sortant de la maison, avant de rentrer aux toilettes. En sortant de la maison, en rentrant de la maison. Maintenant, on va prendre les Azkar. Dua, Dukhul, El Masjid, Wal Khuruj, Minhu. Donc ce sont les Azkar lorsqu'on rentre au Masjid et lorsqu'on en sort. Alors on sait que la salat au masjid pour les hommes en jama'a est obligatoire, donc cela est possible. Mais quand bien même des femmes se ramènent au masjid, elles ne sont pas dispensées de ce genre de askar. Ça les concerne. Toute personne qui rentre au masjid, comme va l'expliquer le hadith. Yaqul an Nabi Humayd ou Abi Usayd qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك رواه مسلم. Donc selon Abu Humayd ou alors Abu Usayd, il doit y avoir un doute dans le rapporteur, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام il a dit si l'un d'entre vous rentre au masjid, qu'ils disent « Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Et lorsqu'il sort, qu'ils disent « Oh Allah, je te demande de ta grâce. » Donc il dit le Rawi, le rapporteur, le Sahabi, c'est Abu Humayd, Al-Sa'idi, Al-Ansari. C'était quelqu'un d'El Medina, les Ansar, des gens d'El Medina. Son nom, c'est Abdurrahman ibn Sa'd. Et il était dit qu'il est Ibn Amr Ibn Sa'd Ibn Munzir Al-Kharzaji. Et cet homme-là, l'auteur dit qu'il est l'oncle de Sahal Ibn Sa'd Sa'idi, qui est également un sahabi. Et que ce sahabi, c'est-à-dire Abu Humayd, maintenant on revient, qu'il est mort lors du khilafa de Muawiyah. Et en fait, Muawiyah était un roi plus qu'un calife, statut de roi. Mais bon. Donc, soit il est mort à la fin du royaume de Muawiyah ou au début de celui de Yazid. Sans vraiment situer la date. Et quant à l'autre sahabi qui est Abu Usayd, parce que dans le hadith il cite soit c'est Abu Humayd ou Abu Usayd, il y a un doute. Lui, Abu Usayd, il s'appelle Malik ibn Rabi'a ibn al-Badan al-Kharzaji al-Ansari. Donc c'est également Ansari. Et que lui, il a participé à Badr et à toutes les batailles avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort à Al-Medina en l'an 60, alors qu'il avait 75 ans. Et c'est le dernier des Sahaba à avoir assisté à Badr, à être mort. Parmi tous les sahabas qui ont participé à Badr, c'est le dernier d'entre eux à être mort. Radiallahu anhu. Donc dans ce hadith, il dit « Izadakhala ahadukum al-masjid ». Donc si l'un d'entre vous veut rentrer ou rentre au masjid. Donc là, vous avez bien vu, c'est d'entre vous, c'est-à-dire homme comme femme. C'est valable pour tout le monde. Donc il fasse le dua. Donc on avait dit, lorsqu'on dit « Allahumma », ça veut dire « Ya Allah, oh Allah, ouvre-moi les portes de ta rahma. » Et la rahma d'Allah, azawajal, elle est de deux sortes. Il y a la rahma qui est un attribut d'Allah, azawajal, sifat min sifatihi. Comme a dit Ta'ala, « Wa rabbuka al-ghafur dhur rahma » que ton Seigneur est le pardonneur, détenteur de la rahma. Et c'est une sifat qu'on appelle sifat zatiya. C'est une sifat dont Allah Azawajal qui ne se défait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lié à lui, à son essence. on va dire. Au même titre que le ilm, au même titre que l'oui, au même titre que la parole, ou al zalika. Et la deuxième rahma, c'est rahma qui est créée. Et c'est celle-là qu'on le demande à Allah Azzawajal. Et il a dit dans un hadith Qudsi, Inna al-Jannah rahmati arhamu bika man asha. Inna ki al-Jannah rahmati arhamu biki man asha. Il a dit que le paradis, tu es ma miséricorde, et par toi, je fais miséricorde à qui je veux. Donc Allah Azzawajal, sa rahma, finalité, c'est de faire entrer les gens au Jannah. Et on sait que Allah Azzawajal, sa rahma qui a été créée, est de 100 degrés et qui n'a fait descendre qu'un seul degré sur terre. Les autres, il les a gardés auprès de lui pour le jour des comptes, tant on en aura besoin. Donc là, c'est au moment où on rentre. On dit, on demande à Allah Azzawajal qu'il ouvre les portes, qu'il nous ouvre les portes de sa rahma. Ou il dit kharaj, et en sortant, on demande à Allah de sa grâce. As'aluka min fadlik. Yaqul tarsis arahmati bidukhul al-fadl bil khuruj wa anna man dakhala ishtaghala bi ma yuzallifu afwan bima yuzallifuhu ila thawabihi wa jannatihi fi yunasibu dhikra rahmah wa idha kharaja ishtaghala bi ibtigha'i rizq al-halal fatnasaba dhikra al-fadl. Donc il a dit, lorsque on rentre au masjid, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si on va rentrer pour s'occuper du côté de dévotion, d'adoration, ce qui nous rapproche de l'obtention de la récompense et du Jannah. Donc ce qui est convenable, ce qui est approprié, c'est de demander à ce moment-là à l'Angel la Rahma. Et lorsque l'on sort du masjid, qu'est-ce que l'on va faire? On retourne à nos occupations mondaines, de chercher le risque, ce qui s'ensuit. Donc à ce moment-là, on demande quoi à l'Angel? De sa grâce. D'où le lien de demander la rahma en rentrant et la grâce en sortant. Yaqul al-sharh al-ijmali. Bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith ma yaquluhu al-muslimu 'inda dukhulihi al-masjid wa 'inda khurujihi minhu. Fayas'alu rabbahu ar-rahmata 'inda al-dukhul li'annahu 'inda dukhulihi mushtaghilun bima yuqarribuhu min Allah wa jannatihi. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous indique que doit dire le musulman lorsqu'il rentre au masjid. Et lorsqu'il en sort. Donc en premier lieu, il demande à son Seigneur sa rahma au moment de l'entrée. Car comme on l'expliquait tout à l'heure, lorsqu'il va entrer au masjid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se consacrer à ce qui est lié à l'adoration. Donc cela demande la rahma d'Allah Azzawajal. Ou il dit kharaj ashtaghala bi ibtigha'i rizq. Non, attends, ça c'est en haut. J'ai sauté. لأنه إذا خرج اشتغل بما يحتاج إليه من رزق لكفاية نفسه وما يعول وقد وردت أدعية أخرى منها. Et comme il a dit au début, lorsque la personne sort du masjid, à ce moment-là, elle va s'occuper de ses besoins mondains. Donc à ce moment-là, ce qui est voulu, ce qui est approprié, c'est de demander à Allah Azzawajal de sa grâce. Il y a d'autres hadiths qui sont venus pour entrer au masjid, là c'est l'un d'entre eux, hein, il y en a d'autres. Comme ce hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بِوَجِّهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. Donc il rapporte Abdullah ibn Amr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré au masjid, il disait: je recherche refuge auprès d'Allah, l'immense, par son noble visage et son autorité ancienne, quand on dit ancienne, celle qui n'a pas de début, contre le shaitan qui est lapidé. Et la personne qui dit prononce cela, shaitan dira: tu étais protégé de moi tout le long de la journée. Donc ce dua, il est connu. Et on y voit l'attribut d'Allah qui est Al-Wajh, le visage. le sultan qu'on traduit par l'autorité, car évidemment Allah Azawajal a l'autorité absolue. Et dans un autre hadith, également pour entrer au masjid, rapporté par Abu Huraira, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit d'akhala ahadukum al-masjida, falyusallim ala al-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, wal yakul, Allahumma aftah li abwab rahmatik, wa idha kharaja falyusallim ala al-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, wal yakul, Allahumma a'simni min ash-shaytan ar-rajim. Dans un autre dua, il disait, Abu Huraira, que lorsque l'un d'entre vous rentre au masjid, qu'il fasse la salat ou qu'il passe les salutations au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dis par exemple Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Et ensuite tu dis ô oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Bon, le mieux hein, c'est de le prononcer en arabe. Mais celui qui ne sait pas parler l'arabe ou qui a du mal, il est permis d'invoquer Allah Azawajal dans la langue par laquelle on parle. L'arabe en soi n'est pas une condition de validité, mais de préférence. Sans quoi, celui qui ne parle pas l'arabe peut invoquer Allah Azawajal dans sa langue. Car Allah Azawajal, c'est lui qui a créé les langues, il les comprend toutes, il entend tout. Mais celui qui peut faire l'effort d'apprendre les adhiya en arabe, cela est meilleur pour lui. Et l'effort qu'il fournit lui accordera de la récompense. Donc là, c'est le moment où on rentre dans le masjid, d'accord? C'est la même chose, on demande à Allah Azawajal sa rahma. Mais avant cela, nous salim ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en sortant, pareil, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, et qu'ils disent, ô oh Allah, protège-moi du shaitan et rajim. Protège-moi du shaitan et lapidé. Donc là, c'est un parmi les askars que l'on peut citer en rentrant au masjid et en sortant. Fawaid al-hadith. مشروعيه الطلب الرحمه من الله تعالى عند دخول المسجد بقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. Donc le côté légiféré de faire ce dua là en rentrant au masjid qui est اللهم افتح لي ابواب رحمتك. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta rahma. وثانيا مشروعيه طلب الفضل من الله عند الخروج من المسجد بقول اللهم اني اسالك من فضلك. Et qu'il est légiféré également de demander à Allah عز وجل sa grâce au moment où on sort du masjid en disant « Oh Allah, je te demande de ta grâce. » Salisan, anna al-masajid mahal nuzul rahmatillahi ta'ala wa khalij al-masjid mahal talab rizq wa wafadun min Allah wa ihsanun fa nasaba fi kulli makanin talab ma yaliqu bih. Donc les masajid sont l'emplacement où descend la rahma d'Allah azawajal. D'ailleurs, c'est le lieu préféré auprès d'Allah azawajal, sont les masajid. أحب البقاء إلى الله على الأرض مساجده. D'accord, les lieux qu'Allah préfère sur terre, ce sont les masajid. Car ce sont les lieux dans lesquels on l'adore. On peut l'adorer partout. Mais ces lieux-là ont été bâtis spécifiquement pour cela. Et ce qui est en dehors du masjid, c'est plus à notre service pour nos besoins mondains, comme subsistance et ce qui s'ensuit. Et donc cela fait partie de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc chaque occasion et chaque situation a un dua qui lui est approprié. Avant de rentrer au masjid, on demande ar-rahma et en sortant, on demande de la grâce. Et c'est pareil quand on fait la umrah, pour ceux qui font la umrah, avant d'entrer au masjid al-haram, fait partie des rites de la umrah de faire ces dua-là. Donc essayez de ne pas les oublier. Taïb. Donc maintenant on va prendre le hadith qui est le 7e hadith de ce bab et 47e du kitab. Tout à l'heure j'ai oublié de préciser, c'était le 6e du bab et le 46e du kitab. Là on passe à celui d'après. Et le unwan, le titre c'est Min Askar Ba'd al-Salah. Là c'est parmi les askar que l'on fait après la salat. Et là on parle de quelle salat? Salat al-Maktouba. La salat obligatoire. Et vous savez, les askar après les salawat, il y en a plein. Il y en a plein. Masha'Allah. Et là, l'auteur n'en cite que deux. Et après, dans d'autres kutub de askar, vous pouvez apprendre les autres. Yaqul an Abi Umama. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui récite Ayat al-Kursi, après chaque salat obligatoire, rien ne fait obstacle à son entrée au paradis, si ce n'est qu'il ne meurt. C'est-à-dire qu'il ne manque plus qu'à mourir pour entrer au paradis. Rapporté par An-Nasa'i. Et on le rappelle, comme à chaque fois que ces hadiths sont conditionnés par d'autres choses, que la personne, bien sûr, soit un muwahhid. C'est pas dans l'absolu. Parce que là, il dit, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque salawat. Et bien sûr, cela demande d'y avoir le cœur. Et non pas que seulement les lèvres et la langue qui bougent. Tout cela également doit être pris en compte. Que la personne a un cœur qui est présent, elle est concentrée, et dans ce qu'elle dit, elle en est consciente, et bien évidemment, elle est une personne qui adore Allah Azzawajal sans rien lui associer. Et celui qui agit de la sorte, le muwahid, masiruhu ilal jannah. Sa finalité sera d'aller rentrer au paradis. Ça, c'est parmi les causes. C'est askar, et bien d'autres choses sont parmi les causes. Donc le rapporteur, c'est Soudey. Dans la kunya, c'est Abu Umama, Ibn Ajlan, Ibn Wahb, Al-Bahili, un sahabi qui a apporté beaucoup de ilm. Mais il était plus connu par sa kunya que par son prénom. Tayyib. Par contre, il ne cite pas. Ah si. Et ce sahabi, lui, il est décédé en l'an 86 de la Hijra et il avait 71 ans. 71 ans. Il était rapporté de lui que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait faire une bataille, il venait le voir, c'est-à-dire Soudey, et disait au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, invoque pour moi qu'Allah m'accorde le shahada, le martyr, de mourir fi sabilillah. Et le Nabi disait, Allahumma sallimhum wa ghanimhum, ô Allah, épargne-les et enrichis-les. D'accord. Et il disait à Abu Umama qu'au final c'est ça qui se passait. On sortait de la bataille, d'accord, sain et sauf, et enrichi par le butin de guerre. Et cela s'est déroulé plusieurs fois. Cela s'est déroulé plusieurs fois. À chaque fois, il disait au Nabi Salam, demande pour moi le martyr, et le Nabi Salam lui disait Allahumma salimhum wa ghanimhum. Il disait que Allah, oh Allah, préserve-les et enrichis-les. Donc maintenant il dit Sharh al-Kalimat, celui qui récite Ayat al-Kursi. Donc vous savez Ayat al-Kursi, hein, c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Et le kursi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou ce que l'on voit dans les traductions, ils appellent ça le verset du trône. Car à la base, un kursi, ça peut être traduit comme étant un trône, un siège. C'est vrai. Cependant, cela a été interprété par Ibn Abbas, que le kursi, ce n'est pas le arsh. Car les gens, quand on dit trône, ils pensent au arsh d'Allah, ça veut dire le trône d'Allah. Et ce n'est pas cela qui évolue dans Ayat al-Kursi. Mais le kursi, il l'a dit Ibn Abbas, موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. Il a dit le kursi de ce verset, ce qui est accessible par là, c'est le ce qu'on appelle repose-pied. C'est l'endroit où Allah Azawajal pose ses pieds. Maintenant, nous, on n'interprète pas la chose, on la prend telle qu'elle est venue. Et là, on a le coul d'un sahabi. Allah Azawajal, on sait qu'il a des pieds. Et on sait même que après la mort, ses pieds, il va en mettre au moins un dans le feu de l'enfer. Lorsque le feu de l'enfer dira Helmin Mazid, est-ce qu'il y a encore des gens à mettre en enfer, et que Allah Azawajal mettra son pied en enfer, et que là l'enfer dira cote cote, ça suffit, ça suffit. Donc ce sont des faits qu'on a qui corroborent avec ce hadith. Cependant, le comment par rapport à ce coursi, ce repose-pied, on l'ignore. Et Allah Azawajal n'en a pas besoin, tout comme le arche n'en a pas besoin. Quand on dit repose-pied, c'est pas qu'Allah a besoin de reposer son pied. Ça s'appelle comme ça en français. Ça s'appelle un repose-pied. Donc c'est la traduction qu'on a en français. Mais le comment, on l'ignore. Ma fille saute. Hein? Y'a? Taïeb. Tamam. Donc c'est ça. Et il dit, Ibn Abbas, donc que le... où Allah pose ses deux pieds et que le arche, personne n'est en mesure d'estimer sa grandeur. Personne n'est en mesure d'estimer sa grandeur. Et il dit dans le hadith, Lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa an yamut, que rien ne l'empêchera de rentrer au paradis, c'est-à-dire celui qui reste ayat kursi après la salat, si ce n'est la mort. Et sachez également que ayat kursi, c'est parmi les askars du sommeil avant de dormir. Pour que Shaitan ne t'approche pas, il faut réciter Ayat al-Kursi. Et certains ulama le mettent comme étant parmi les askars du Massa également du Sabah. Il y en a qui disent que c'est parmi les askars du matin et ceux de la fin de journée. Taïe. Et dans un hadith, selon Abu Dhar, il l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma samawatu saba fil kursi illa ka halqa mulqa'a bi ard falah wa fadlu al-arsh afwan ala al-kursi ka fadl tilka al-falah ala tilka al-halqa. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les sept cieux comparés au kursi, c'est-à-dire au repose-pied, ne sont que à l'exemple d'un anneau jeté dans un désert, vaste désert. Vous voyez, un petit anneau, ce serait les sept cieux et le vaste désert, ça serait, et le kursi, ce serait le vaste désert. Donc vous voyez déjà la taille du kursi, du repose-pied. Et il a dit, la comparaison qui est entre le kursi, c'est-à-dire le repose-pied, je ne sais pas, on peut dire également marche-pied, repose-pied, al-muhim, et le arche, maintenant la différence de taille qui est entre le kursi et le arche, le trône, le vrai trône, et comme comparer cet anneau au désert, c'est-à-dire que le kursi est comme l'anneau et que le arche est comme le désert. Vous voyez. Et sachez que Allah Azawajal est au-dessus du arche, est plus grand que tout. Une fois de plus. Est-ce qu'on a compris ? On a compris. Mais est-ce qu'on peut concevoir ? On ne peut pas. Ça dépasse l'entendement. Mais pourtant, on a des mots, des paroles de la révélation qui nous l'indiquent. Et sachez que Ayat al-Kursi, c'est le plus grand, on va dire, c'est le meilleur verset du Coran. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Aba Munzir, atadri ayu aya min kitabillahi ma'ak a'zam, qala, kultu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. » Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Abu al-Munzir en lui disant, sais-tu quel est le plus grand verset du Coran? Et il a dit, il a récité Ayat al-Kursi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Donc on va dire que le meilleur verset, c'est le verset Ayat al-Kursi. La meilleure sourate, c'est Al-Fatiha. Et la meilleure sourate, et la plus grande sourate, Afouane? Plus grande. Hein? Al-Baqarah. et ainsi de suite. يقول فوائد الحديث استحباب قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة qu'il est recommandé de réciter آية الكرسي après chaque salat obligatoire. Après les surrogatoires, non. Après l'obligatoire, oui. ثانيا أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة et que les œuvres pieuses sont des causes d'entrée au paradis. Les œuvres ne sont que des causes et elles sont très nombreuses. C'est pour cela que celui qui n'arrive pas à rentrer au paradis, c'est qu'il aurait été lui-même négligent, car énormément de causes sont à notre portée, c'est juste à nous de faire l'effort de les accomplir. Tant à son verbal, gestuel, ou voire même sentimental, intérieur. Thalithan, fadilat ayat al-kursi, wa ya a'zam ayat min fi kitabillah. Ce qui montre la valeur de ayat al-kursi, et quel est le plus grand verset, c'est-à-dire en valeur, dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Rabi'an isbat al-jaza al-ukhrawi wa anna awwalahu na'im al-qabr aw 'adhabahu wa anna na'im al-qabr juz'un min na'im al-jannah kama anna 'adhab al-qabr juz' min 'adhab an-nar. Cela montre qu'il y a une rétribution dans l'au-delà et que les prémices de la rétribution de l'au-delà du paradis, c'est les délices de la tombe. Et les prémices du châtiment de l'au-delà, c'est-à-dire qui sont le feu, sont le châtiment de la tombe. Ensuite, il cita 8e hadith du Fasl, qui est le 48e de ce kitab. Un autre zikr à faire après les salawat, qui est très connu, mais on se le rappelle, car le zikr profite aux croyants. Le rappel profite aux croyants. Un Abi Hurayra, radiallahu anhu, un Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, قال من سبح الله في دبر كل الصلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير غفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Rawahu Muslim. Donc selon Abu Huraira, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le tasbih après chaque salat 33 fois et qui fait le tahmid, le fait de louer Allah 33 fois et qui fait le takbir, le fait de dire Allahu Akbar 33 fois, cela fera 99. Et qui pour finir la centaine dira La ilaha illallah, c'est-à-dire nulle divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah, wahdahu la sharika lah, seul, sans associé, lahul mulk, à lui appartient la royauté, walahul hamd, à lui appartient les louanges, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et qu'il est omnipotent, celui qui dit cela après avoir dit 33, celui-ci lui sera pardonné ses fautes antérieures, même si elles étaient aussi nombreuses que l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. Donc regardez encore une fois de plus, une façon de pouvoir se faire pardonner les péchés, facilement, aisément. Et cela en plus, les salawat, khams, elles sont combien ? Elles sont 5 par jour, et tu fais ça après chaque salawat. Imagine-toi le nombre de causes que tu as pour te faire pardonner les péchés. Il s'agit des petits péchés, d'accord ? Pas les grands, les petits péchés. Donc ce qui est voulu là par salawat sont les salawat qui sont obligatoires. Le fait de dire subhanallah, c'est le tasbih, c'est purifier Allah Azawajal de tout manque et de tout défaut. C'est ça le tasbih. Que Allah Azawajal, tu le purifies et tu le rends exemple de tout manque et de tout défaut. Et le tahmid, le fait de dire alhamdulillah, c'est le fait de citer les qualités et les bienfaits d'Allah Azawajal, de les reconnaître avec amour pour lui et glorification pour lui. Et ça, oui. D'accord ? Tu ne loues que quelqu'un que tu aimes. Tu peux louer une personne, d'accord ? Une créature. Mais le vrai tahmid, al-tam, ou al-azim, ou al-illah Azawajal. Et le takbir, bien sûr, c'est le fait de reconnaître qu'Allah Azzawajal est plus grand que tout. Sous tous les termes du sens, sous tous les sens du terme. Plus grand que tout. Tant dans son essence, tant dans ses attributs, tant même dans tous ses actes, dans tout ce qu'il fait, dans tous ses décrets, dans tous les droits, Allah Azzawajal est plus grand que tout. Et on voit que le mérite de ce zikr après les salawat, c'est de se voir pardonner nos péchés. Donc là, il dit dans le Shah al-Jimali, بينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل المداومة على التسبيح والتحميد والتكبير من كل واحدة 33 مرة بعد السلام من الصلاة المفروضة وأنها سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ولو كانت مثل أو كثيرة مثل زبد البحر. Donc il a dit, le Nabi صلى الله عليه وسلم nous a ici éclairci, nous a appris le mérite de perdurer sur le tasbih, le tahmid et le takbir 33 fois après chaque salawat, après avoir fait le taslim de chaque salawat, obligatoire. Et que cela est une cause de pardon de nos péchés. Et aussi, il y a une version qui est venue dans ce hadith, c'est 33, 33 et 34. Faire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. C'est aussi une façon de faire. Et c'est venu également 10 fois, 10 fois, 10 fois. Différentes versions qui sont venues. Et cela se fait avec les doigts et les phalanges. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à des femmes, sabbihna وَقْعِدْنَا بِالْأَسَابِعِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتِ مُسْتَنْتِقَاتِ يَنِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à des femmes de faire le tasbih avec leurs doigts, car ces doigts seront interrogés et parleront et témoigneront يَوْمِ الْقِيَامَةِ en notre faveur. Donc ce qui est légiféré, c'est de le faire avec les doigts et non pas avec sabha qu'on appelle un chapelet. Ces chapelets sont en réalité une innovation qui a été et également un tashabbuh bil kuffar, car là-bas ces chapelets sont des outils qui ont été inventés par les bouddhistes puis repris par les nasara, les chrétiens, et aujourd'hui malheureusement par les muslimines, alors que cela n'a aucune origine. Et quant aux hadiths qui sont venus que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une femme qui faisait des tasbih avec des noyaux, des ulama ont remis en question ce hadith. Ou plutôt, ça fait partie d'un hadith, mais c'est un rajout. J'ai oublié le début du hadith, c'était quoi? Mais dans un hadith, c'est une partie en plus qui dit qu'une femme faisait le tasbih avec des noyaux, je crois, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas réprimandé pour cela en soi. J'ai plus là le terme du hadith en tête. Et également, il fut rapporté de Abdullah ibn Amr, il a dit « Raytu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqid al-tasbih biyadih » Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le tasbih avec ses doigts. Et des gens vont dire, mais des fois il y a des gens qui sont vieux, ou quand je fais le tasbih, je me trompe dans le nombre, ce qui s'ensuit. On va dire, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens vieux. Et des gens qui peut-être également s'embrouillaient en comptant, et pourtant il ne leur a pas indiqué de faire cela avec un chapelet, alors que ce moyen, ce procédé, était réalisable à l'époque. C'est un fil. Ça existait chez les bouddhistes qui étaient là avant nous. C'était chez les Nasara qui étaient là avant nous. Ça veut dire qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce moyen était réalisable. Et pourtant, ça n'a pas été fait. Donc il n'y a pas eu de le faire aujourd'hui. Et encore moins aujourd'hui, ces petits gadgets-là qu'on a avec le bouton, ou maintenant sur le téléphone aussi, le portable. C'est la même chose, hein, c'est le concept du chapelet. Le tasbih, le tahmid et le takbir se font avec les doigts et les phalanges. Et eux témoigneront pour nous Yom Al-Qiyamah. Alors ton chapelet ne va pas témoigner pour toi Yom Al-Qiyamah. Il ne sera pas là. Mais à la base, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan lisa li amruna fa huwa radd, wa man ahdatha fi amrina ma lisa minhu fa huwa radd. Que celui qui fait un acte n'étant pas de notre enseignement, il est rejeté. Ou celui qui innove dans notre religion, cela est rejeté. Donc au pire, si un chapelet devrait témoigner, il témoignerait contre toi. Pour dire que tu l'as utilisé pour faire une chose que tu n'es pas à faire avec. Donc ce sera en ta défaveur et pas en ta faveur. Et d'ailleurs, Cheikh Bakr Abou Zayd, il a une risala entière sur le chapelet, et dont le résultat final est de dire que c'est une bid'a à délaisser. Il y a des savants qui l'ont rendu permise, dans certains cas, mais cependant leur avis il est faible et s'oppose au adillah. Wallahu ta'ala alam. Yaqul fawaid al-hadith. Istirbab hada dhikr ba'da salawat al-khams al-maktouba, qu'il est recommandé de faire ce dhikr après les 5 salawat obligatoires. Thaniyan, anna hada dhikr yuqal ba'da salam min as-sala al-maktouba ijma'an. Et que ce zikr, on le fait après avoir fait le taslim, après la salat obligatoire. Et ça avec l'unanimité, tu ne le fais pas avant. Par contre, tu peux le faire avant, après, juste après, ou même si tu es un peu levé après la salat, tu le fais. Et si jamais tu l'as fait et que tu as oublié, tu comptais le faire, fais-le quand tu t'en rappelles. Et même par contre, tu l'as délaissé volontairement et tu le fais après, là c'est plus valable. ثالثا أن هذا الذكر سبب لمغفرة الذنوب والمراد صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى أما الكبائر فلا يكفرها إلى التوبة منها. Et là, comme on a expliqué, que c'est pour les petits péchés qui sont effacés, et les péchés qui sont liés au droit d'Allah Azawajal. Quant aux grands péchés, cela ne sont expiés que par la Tauba, et les péchés qui sont liés au droit des gens, cela n'est absous qu'avec leur pardon. رابعا كيفية التسبيح مبين في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده وقال للنساء سبحنا واقعدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. Et donc il nous a également montré à travers ce hadith comment on fait le tasbih. Cela se fait par les doigts et la main, car les phalanges à foin, car ils seront interrogés au Qiyama et parleront et témoigneront en la faveur de celui qui aura agi de la sorte. Naam. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذه الأحاديث الثلاثة نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.